une nuance, une nouvelle nuance que je voudrais apporter à votre attention concernant la conscience mentale. C'est lié au phénomène de la pensée personnelle. Il y a deux sortes de pensées. Il y a une pensée que, pour l'occasion, j'appelle une pensée suggestive, pas subjective, suggestive. Y a une pensée explicative. La pensée suggestive, c'est la pensée qui passe dans l'esprit durant la journée. C'est une pensée qui sert à soit à vous casser les pieds ou à vous faire prendre conscience de quelque chose. C'est une pensée qui n'est pas directionnelle, dans le sens que c'est une pensée qui n'est à laquelle vous ne pouvez pas vous fier. C'est une pensée qui ne vous sert pas intelligemment, bien que ce soit une pensée qui fasse partie de votre intelligence. C'est une pensée qui part. Puis en passant, ça fait vibrer votre corps émotionnel, ça vous crée une tension quelconque. C'est une sorte de pensée que tous les gens ont. La pensée dont vivent les gens, la pensée subjective, je ne parle pas de la pensée de quand les gens pensent. Je parle de la pensée qui se manifeste chez les gens quand ils ne pensent pas. Quand ils ne font pas l'effort personnel de penser. Il y a toujours quelque chose qui part. C'est comme un courant d'air froid qui part dans la main. Elle peut venir de n'importe où, cette pensée-là. Elle peut servir n'importe quelle fonction. Elle n'est pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle est fatigante. Elle n'est pas intelligente dans le sens explicatif. J'appelle ça une pensée suggestive. Pour la contre-distinguer au niveau du supramental avec la pensée explicative qui est la communication verticale d'eux autres à vous autres. La raison pour laquelle je vais m'embrancher sur ce phénomène-là, pour commencer à soigner, c'est pour faire comprendre aux gens que le supramental, quand le supramental s'adresse à l'homme, comme on dit, quand l'information va d'en haut vers le bas et qu'elle doit servir cette information, l'homme n'a pas besoin de demander de questions à lui donner. Elle est explicative. Elle vient tout d'un coup. Elle vient sans que l'ego demande quelque chose. Le cas où on reconnaît le plus, où on peut plus facilement faire la différence entre la pensée suggestive, la pensée supramentale, très personnelle, c'est quand on a un problème. Quand on a un problème, ça part, ça part, ça part, ça part, ça arrive pas. C'est tout suggestif. Là, on se trouve avec cette pensée-là. Suivant qu'on est plus ou moins attaché à la pensée. Par contradiction, la pensée supramentale pure, elle est très courte, très précise, très nette. Elle vient, elle s'en va. Ou elle vient, puis on peut recommuniquer avec les autres pour avoir plus d'éclaircissement. Mais elle taponne pas. C'est pas une pensée qui passe dans la tête et qui revient. Elle vient, c'est clair et c'est net. C'est important de connaître les deux sortes de pensées. Parce que la pensée suggestive, plus on devient sensible ou supramental, plus la pensée subjective dans certains cycles de changement vibratoire. Ou surtout quand on est prêt d'avoir des problèmes, ou quand on a des problèmes à résoudre. Cette pensée subjective, suggestive-là, devient très, très présente, très fatigante. Puis on peut l'arrêter en leur disant de nous sacrer la paix, ou. Puis ils peuvent le faire, mais ils peuvent le faire peut-être pas nécessairement tout de suite, mais un petit peu plus tard. Mais il faut en prendre conscience de cette pensée suggestive-là pour vider notre mental le plus possible. Quoi qu'on souffre pour rien de cette affliction, parce que c'est réellement une affliction humaine, ça. Les gens ont beaucoup de difficultés à vivre un mental vide. Ça prend des années avant d'en arriver à vivre un mental vide. Pour en arriver à vivre un mental vide, il faut en arriver à savoir, puis à connaître, puis à comprendre la raison pourquoi on vit ces pensées suggestives-là. On les vit pour deux raisons, ces pensées suggestives-là. C'est que d'abord, on n'est pas assez mental. Deuxièmement, parce qu'elles servent à nous rendre totalement préconscients. Je dis préconscients, je dis nous préparer à la conscience. Quand on commence à réaliser l'activité de ces pensées-là qui nous passent comme des courants d'air en tête et qui nous servent à rien, on commence à développer de la préconscience. La préconscience, c'est un état d'esprit qui fait qu'avec le temps, on est capable de se séparer au niveau de notre personnalité en deux. Il y a une partie de la personnalité qui est rattachée à ces pensées suggestives-là. Puis il y a une autre partie de la personnalité qui n'est pas attachée à ces pensées suggestives-là, puis qui tend à s'en séparer. Dans cet effort de séparation-là, dans cet état où on tend à vivre comme deux niveaux de personnalité en même temps, une personnalité qui souffre de la pensée suggestive, puis l'autre personnalité qui fait un effort de se libérer de la pensée suggestive. Dans ces deux mouvements-là qui s'opèrent à la fois, on développe une résistance mentale. On développe une facilité de raccorder, même si on n'est pas conscient, de raccorder notre mental inférieur avec notre mental supérieur, de changer les vibrations de notre mental supérieur. Mais tout que les vibrations du mental supérieur se changent, du mental inférieur se changent, qu'on vive le plus dans le mental supérieur que dans le mental vide, il faut qu'on réalise l'existence, la présence, puis le caractère anodin, inutile de ces pensées suggestives-là. Puis, les âmes vivent une grande partie de leur journée dans la pensée suggestive, qui est une perte de temps, qui est une perte d'énergie, qui est une souffrance quand on devient conscient du supramental, et qu'on a tendance à laisser passer. Les gens ont tendance à laisser passer leurs pensées. Dès que vous vous réveillez après 1 heure, 2 heures, le poids qui se met ici, il réalise que ça fait 1 heure, 2 heures qu'il flotte dans cette pensée, dans cet amoncellement de pensées suggestives. C'est très important pour l'homme d'être très présent dans son mental pour ne pas laisser passer ces pensées-là. De leur mettre un terme, de faire un effort mental de leur mettre un terme. Parce que ces pensées-là vous vident, elles troublent votre esprit. C'est une forme de pourriture, c'est une forme de contamination. C'est très difficile à s'en séparer. C'est seulement quand on en est arrivé à pouvoir réellement les séparer, là, pouvoir réellement sentir qu'on peut vivre notre personnalité à un autre niveau pour recevoir un niveau qui nous permet de recevoir simplement des pensées explicatives ou dans un vide total. Qu'on commence un petit peu à être bien dans le supramental. Qu'on commence à s'habituer à être bien dans un état d'esprit qui nous prédispose de plus en plus à recevoir de l'énergie de plus haute vibration, qui nous amène à nous comprendre de plus en plus, qui nous amène à prendre la vie d'une façon de plus en plus objective. La raison pour laquelle je vais prendre quelques minutes pour parler des pensées suggestives. C'est parce que les pensées suggestives sont manipulées par des forces qui sont semi-intelligentes. Sur les autres plans, il y a des forces qui sont semi-intelligentes et qui ont le pouvoir de manipuler cette énergie-là. Puis ces forces-là sont dans une dimension, si vous voulez, du mental humain. Et ce sont des forces qui sont liées à la mémoire humaine. L'homme, au cours de son évolution, accumule énormément d'expériences. Et l'expérience qu'il accumule devient une mémoire. Et la mémoire qu'il accumule est toujours vibrante. Alors, de sorte que quand il s'incarne, cette mémoire-là, elle vibre. C'est cette mémoire-là qui permet à l'individu, qui donne à l'individu une vibration particulière qui lui permet de vivre ses pensées suggestives. C'est la mémoire de l'âme, c'est la mémoire ancienne de l'âme. Un être peut avoir vécu 2, 3, 4, 5, 6 incarnations sur notre planète. Puis toute la mémoire de son expérience, parce que la mémoire de son expérience est liée à son tempérament, elle est liée à toute la fleur de sa personnalité, toutes les personnalités incluses, son tempérament, son caractère. Alors, s'il arrive dans une vie, où une certaine expérience coïncide vibratoirement, pas psychologiquement parce que c'est enchant, mais vibratoirement avec une expérience qui a été vécue dans le passé, dans 3, 4, 5, 6 vies, il va y avoir un rapport vibratoire entre cette expérience-là dans le passé et l'expérience dans le présent. C'est ça qui fait que vous avez des pensées suggestives. Puis tous les hommes souffrent de ça parce que tous les hommes souffrent de leur passé à un niveau quelconque, c'est le temps vibratoire. Dans le développement du supramental, voilà, le développement de la conscience supramentale, la mémoire du passé est détruite complètement. De sorte que l'homme est plus rattaché vibratoirement à sa mémoire antérieure. N'étant plus rattaché à sa mémoire antérieure, dans le présent de sa vie, dans sa conscience présente, il est plus affecté par ce rythme, par cette vibration-là. De sorte que il vit constamment dans le vide mental. Quand il vit un vide mental, il est toujours en relation avec des pensées explicatives qui viennent des autres, et non des pensées suggestives qui sont liées à sa mémoire antérieure. Et ça veut dire quoi pour ça? Ça veut dire que plus vous avancez dans le supramental, plus vous devez perdre votre mémoire. Pour vivre dans la mémoire instantanée de la conscience universelle dans vous, qui contient tout, qui contient toute l'information que vous avez besoin pour vivre. Mais l'ego, lui, il n'aime pas ça, perdre sa mémoire. Parce que l'ego, il a besoin de sa mémoire. Il pense. Il en a besoin tant que sa vie n'est pas assez changée sur le plan supramental pour faire d'autres choses qui sont directement liées à la mémoire du supramental au lieu d'être liées à la mémoire de l'ego. C'est pour ça que ces pensées suggestives-là demeurent si longtemps. Parce que l'ego est tellement attaché à sa mémoire qu'il est obligé de toujours être en harmonie vibratoire, mais en synchronisation avec cette mémoire-là, mais pas seulement la mémoire de la vie qu'il a présentement, mais la mémoire de la vie qu'il a eue avant. La mémoire de la vie qu'il a eue avant. La mémoire de la vie qu'il a eue avant. Parce que dans le cosmos, tout est vibratoire. Les choses ne sont pas simples, ne sont pas psychologiques, elles sont vibratoires. Alors, s'il y a un événement dans le passé qui coïncide avec une certaine expérience, la mémoire de ça, vous y avez accès inconsciemment. Puis elle se rapporte à une activité d'aujourd'hui, puis elle crée dans votre mental ces fameuses pensées suggestives, des pensées fatigantes qui vous passent dans l'esprit, qui vous passent, puis ça, puis qui passent, puis ça, puis qui passent, puis ça. C'est pour ça que, avec le développement de la conscience supramentale, on en arrive à perdre cette mémoire-là. C'est pour ça que les gens qui veulent retourner dans leur vie antérieure puis étudier leur vie antérieure, c'est pas bon. C'est pas bon d'étudier les vies antérieures parce que quand vous étudiez vos vies antérieures, vous vous retranchez votre mémoire antérieure. C'est très mauvais. Les gens aiment ça parce qu'au niveau de l'ego, ça les flatte. Mais c'est pas bon. Ils savent pas que c'est pas bon ce qu'ils font. Quand les gens sont dans l'éthérique, quand vous voyez le vie intérieure de vie future, parce que quand vous voyez un homme qui voit ses vies intérieures, il doit être capable de voir ses vies futures. Si tu vois une vie intérieure, c'est pas bon. Puis un homme qui voit ses vies futures, mais c'est parce qu'il n'est plus dans la mémoire de ses expériences. Il est tellement dans la mémoire de l'âme, à ce moment-là, il peut voir dans la vie, il peut voir dans le passé, il est plus affecté par une vibration de cette mémoire-là. C'est ça, justement, qui permet de voir dans la vie comme de voir dans le passé. Une personne qui n'est pas encore dans la conscience, dans la conscience de l'âme, va chercher au niveau de l'ego, des recherches personnelles, à se retremper dans la mémoire de son passé. C'est très bon. Je ne le suggère pas à personne. Parce que ça va toujours maintenir des liens entre vos vies antérieures, vibratoirement, et votre vie présente. Puis ça va constamment vous amener à l'esprit un influx de pensées suggestives. Puis si vous êtes moindrement sensible, bien effectivement, éventuellement, ces pensées suggestives-là vont rentrer, puis éventuellement, ça, vous pouvez en souffrir énormément des pensées suggestives. Il y a une différence de précision. La pensée explicative, la pensée qui est les autres, est très précise, est courte, est très précise. C'est très clair, c'est très net. Ça vient de haut en bas. C'est pas, la pensée qui vient de l'autre n'est pas catégorisante, mais elle est catégorique. Catégorique. Souvent, pour vous faire réaliser que c'est eux autres qui vous envoient cette pensée-là, souvent, ils vont vous envoyer une pensée très catégorique et vous n'êtes pas capable de la questionner. J'ai trouvé de rester dessus. Après ça, après quelques minutes, vous pouvez la questionner. Parce que l'ego est obligé jamais à sûr, jusqu'à temps que vous devenez sûr. Alors, il vous envoie une pensée, puis cette pensée-là est catégorique, puis là, il vous coupe du pouvoir de leur demander des questions. Quand vous demandez, vous recevez une pensée catégorique qui vient d'en haut, vous n'avez pas le pouvoir de demander une question. C'est parce que celle-là, c'est celle-là. Mais si vous avez le pouvoir de demander une question sur une pensée qui vous vient d'un plan ou un autre, la chance que ce ne soit pas celle-là, qu'elle ne soit pas explicative, qu'elle ne soit pas précausale, cette pensée-là, la chance est divine. C'est pour ça que dans toute activité avec les forces de lumière, toutes les activités sérieuses, les activités qui impliquent des mouvements sérieux de grande proportion, quand l'homme est dans un mouvement avec eux autres, il a l'esprit totalement vide, puis il n'est même pas capable de recommuniquer avec eux autres pour vérifier si c'est ça qu'il devrait faire. Et ça implique que l'ego soit déjà conditionné à la lumière pour qu'il puisse agir sans inquiétude. Quand c'est le temps qu'une chose se passe en relation avec eux autres, il y a une vibration particulière à ce moment-là. C'est comme si on n'est quasiment pas impliqué dans l'action. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez acheté un char. Pendant 2 semaines, vous cherchez un char. Là, il y a des enseignants en banque qui m'ont dit. Mais la journée que va venir le temps pour votre char, là, c'est comme si ça se fait tout automatique. Ces pensées suggestives-là, il n'y en a plus. Là, vous apercevez, vous achetez le char, là, tout le plaisir, toute l'astralité que vous aviez, dont vous avez vécu pendant 2 semaines, là, il n'y en a plus. Là, vous avez votre char, là, puis il n'y a plus de plaisir. Vous avez le char, là, puis le plaisir, il n'est plus là. C'est comme s'il n'est plus là. Tu t'es assis dedans, tu m'écris, tu t'en... Votre plaisir, vous l'avez vécu avant, un faux plaisir, qui vous donnait l'énergie pour aller chercher le char. Vous avez besoin que vous n'êtes pas motivé. Mais aussitôt que vous avez le char, là, le plaisir n'est plus là. Vous achetez une maison, c'est la même chose. Vous rêvez d'avoir une maison pendant les années. Aussitôt que là, vous avez une maison, le gars vous appelle et dit « Ok, le mortgage est accepté. » Là, vous rentrez en maison, vous déménagez. Il y a comme une continuité dans votre expérience que vous n'aviez pas avant d'avoir, avant que le temps arrive, que ce soit le temps d'acheter la maison. Vous voyez où c'est? Il y a comme un manque de plaisir. Il y a comme un manque, c'est bien nuancé, c'est bien important. Il y a comme un manque de plaisir. Un autre exemple. Le gars, il rencontre sa blonde. Il y a une blonde à rencontrer un soir. Là, ça vit la maison, il se fait barre, puis il sait, puis il chante tout. Aussitôt qu'il arrive chez eux, puis qu'il le vit, là, ça retombe à un autre vibration. Là, il vient de se faire un salon, puis écoute, bon, écoutez, c'est pas la même chose. Il vibrait astralement avant. Aussitôt qu'il l'a rencontré, ça tombe sur une autre vibration. Puis quand on fonctionne dans le supramental, c'est le même. Il n'y a jamais d'astralité. T'es toujours dans le plat. Mais nous autres, on n'aime pas ça être dans le plat. L'ego. Parce que l'ego fonctionne. Ça sert constamment d'énergie astrale. Il veut que ça fasse du fun tout le temps. Mais tu ne peux pas vivre dans le fun tout le temps. Tu brûles la batterie. C'est toi que les égos se brûlent les batteries. C'est toi que les égos ne vivent pas longtemps. Mais un jeune, tu ne peux pas toujours brûler ta batterie. Fait que la pensée suggestive, puis la pensée explicative. C'est la même chose. La pensée explicative, quand elle vient, c'est catégorique, c'est ça. Là, tu fais ton action. Il n'y a pas d'astralité. Il n'y a pas d'émotion. Tandis que dans la pensée suggestive, il y a toujours de l'émotion liée à ça. Remarquez-le, ou le remarquerez, là. Il y a toujours une émotion liée à la pensée suggestive, tout le temps. Cette pensée-là, vous. Même si elle semble intelligente, même si elle semble probable, même si elle semble intéressante, vous allez voir dans votre expérience que ça ne sera pas ça. Elle sert simplement à vous conditionner vibratoirement à une expérience quelconque. Mais elle n'a aucune fonction précise. Elle n'a aucune fonction autre que du fait qu'elle elle existe à cause de votre mémoire. C'est parce que vous avez de la mémoire. Si vous n'aviez pas de mémoire, il n'y aurait pas de pensée suggestive dans votre esprit. Vous avez toujours le bloc vide. Vous avez bien des pensées explicatives tout le temps. Le bloc vide, pensée explicative, bloc vide, bloc vide. C'est bien plat. So. Et vous allez en venir, là. On n'est pas habitué à vivre des flats, on n'aime pas ça. Puis la meilleure vie, la vie la plus intéressante, c'est la vie flat. Mais pas dans le sens que vous le comprenez, l'autre me regarde avec des yeux de pirate. C'est pas dans le sens que vous pouvez le saisir aujourd'hui que je l'explique. Quand je veux dire une vie plate, je veux dire une vie qui est totalement mentale. Autrement dit, une vie qui est mentale, c'est plate pour une personne qui vit une vie astrale. Mais une vie qui est mentale, c'est beaucoup plus réel qu'une vie d'une personne qui vit astralement. D'ailleurs, dans votre expérience, depuis qu'on se connaît, je suis sûr qu'il y a eu des changements en vous qui vous font comprendre un petit peu ce que je veux dire. Mais ce qui rend une vie plate, ce qui nous fait penser qu'on vit une vie plate, c'est parce que notre énergie créative et nos vibrations ne sont pas encore ajustées. Ils sont en train de les ajuster. De sorte que souvent, il va y avoir des périodes où c'est réellement plat. Il n'y a rien qui se passe. C'est créatif. Ça, c'est une fatigue. La patience, c'est encore la patience. Mais éventuellement, vous ne souffrirez plus de ça. Vous allez tellement ajuster vibratoirement que aussitôt que vous avez passé une période, là, ça devient comme plat. Là, vous allez faire un autre mouvement. Mais là, vous n'êtes pas capable de le faire, ce mouvement-là, parce que vous êtes encore trop astral. Comme, supposons que, là, je parle, là, fait que ma vie n'est pas plate. Mais si j'arrête de parler, ma vie devient plate. Mais je suis habitué au plat. De sorte que, au niveau de mon ego, j'en souffre pas astralement. Sans ça, j'étais là, m'as-tu parlé, puis j'ai rien dit, mais j'attends la vibration. Mais comme je t'ai ajusté vibratoirement, prends quelques minutes, puis ensuite, ça continue. Ça dure trop longtemps, mais à ce moment-là, ben, je vais me mettre. Il y a une autre vibration qui va me faire que je vais sentir. Puis je vais me lever. Là, ma vie n'est pas plate. Parce qu'une vie est plate ou pas plate selon que l'énergie passe. L'énergie, ça n'a pas osé d'être en train de s'acheter une Cadillac. Ça peut être dingue de. Parce que c'est simple que l'énergie. L'énergie, c'est pas psychologique, c'est de l'énergie. Ben, c'est plate parce que t'es assis. Là, c'est trop plat. Mais tu te lèves. Là, c'est plus plat quand tu te lèves, parce que c'est en mouvement. Là, tu te lèves. Là, t'arrêtes. Là, ça peut être plat. Tu te lèves. Comprenez-vous la nuance de ce que je veux dire? Fait qu'après ça, s'ils veulent continuer au niveau du mental, mais là, je continue au niveau du mental, c'est pas plat. Mais c'est toujours l'énergie que tu veux. C'est toujours l'énergie. Tout le temps. Qui te fait lever, qui te fait parler, qui te fait pisser, qui te fait manger, qui te fait. Toujours l'énergie. Mais au niveau de l'ego, on ne fonctionne pas au niveau de l'énergie. On fonctionne psychologiquement. On fonctionne toujours avec des valeurs psychologiques. On fonctionne autrement dit astralement. On ne fonctionne pas au niveau de l'énergie. Si les gens fonctionnaient au niveau de l'énergie, la vie serait ramassée. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. L'énergie est toujours là. Bon, on n'aperçoit pas l'énergie. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on se bloque. Le gars, il va être chez eux, puis il se balance, il se barre dans la maison, puis il se barre. Et surtout les gens, ils se barrent, ils n'ont rien à faire. Ils ont beaucoup de choses à faire, c'est parce qu'ils ne sentent pas. Ils ne sentent pas. S'ils sentaient, autrement dit, s'ils étaient assez mental, ça descend dans leur mental inférieur, ils trouveraient quelque chose à faire. Ils lâcheraient pas de poussière, ils nettoieraient la terre. Quand ils seraient pas plats, ils sortiraient, ils nettoieraient son gazon. Ils iraient rester là pendant un petit coup. Ils ne font pas ça. Parce que sont trop dans l'astral de la pensée, de sorte que la vie, eux autres, ils la calculent toujours en relation avec une valeur quelconque. Il faut qu'ils fassent quelque chose d'important. Soit que c'est une partie de carte ou faire un temps en fin de semaine. Il faut que ce soit. Faut que ce soit concret. Ça, c'est bien dangereux. Il faut qu'on puisse vivre la vie d'une façon qui n'est pas concrète, mais qui est totalement vibratoire. Fait qu'à ce moment-là, c'est jamais clair. Mais on ne peut pas en arriver à vivre ça tant qu'on n'est pas arrivé à vivre ça. Là, je t'explique. Je t'explique toujours avant. Bon, c'est ça qui arrive. Ta vie, elle devient bien simple comparée à ta vie avant parce que d'abord, tu ne fais plus les mêmes choses. Tu fais d'autres choses. Tu fais des choses que tu n'aurais jamais pensé que tu aurais faites avant. Il y a des choses qui t'intéressent, qui ne t'auraient jamais intéressé avant. Puis des choses qui t'intéressaient bien gros avant, ça t'intéressait. Parce que les choses que tu faisais avant, c'était astral. Là, tu es rendu plus mental, fait que tu fais d'autres choses. Tu changes de plan encore. Si tu as d'autres causes, tu fais toujours d'autres choses. C'est ça qui arrive. Tu vis un peu comme si c'était pas très important. Tu vis comme si c'était pas tes affaires. Exactement. Tant que tu vis, c'est tes affaires. Là, tu trouves ça drôle. Tu existes. Tu es encore dans le monde. C'est ça. C'est ça. Là, tu t'ajustes. Tu t'ajustes. C'est ça. Éventuellement, tu t'aperçois que tu vis une vie qui ne fait pas partie de tes affaires. C'est ça. Puis quand tu vis réellement une vie qui ne fait pas partie de tes affaires, là, tu vis. Moi, j'ai eu l'impression de ça. Quoi? La vie paraît comme si c'était pas mes affaires. C'est ça. Exactement. Comme si j'étais pas de temps. C'est ça. C'est ça. Puis c'est ce que c'est gagné. Plus tu en arrives à vivre de même, plus ton esprit sort de ton corps. Fait qu'on arrive éventuellement à pouvoir vivre une vie qui est tellement pas de tes affaires que tu sors totalement de tes affaires. Voilà-tu? De sorte que tu peux en arriver à sortir de ton corps matériel complètement et le regarder d'ici. Chauffer ton char, t'es même pas dedans. Ton corps réchauffe le char, mais toi, tu es un petit peu éloigné. C'est pour ça que tu vas à des places, des fois, tu fais quelque chose, là, puis ça fait un certain nombre de mille, si tu veux. C'est un petit peu comme ça. Tu n'as pas eu connaissance. C'est un petit peu comme ça. Tu flottes. Ouais. C'est un petit peu comme ça. Éventuellement, pour en arriver à se faire, voyons. Si tu veux sortir de ton char, il ne faut pas que tu sois encore physique. Mais non. Tu comprends? Quel équilibre vibratoire. Mais t'en arrives à ça. À vivre une vie qui n'est plus tes affaires. Puis vivre une vie qui n'est plus tes affaires, c'est une vie dans laquelle ta personnalité est plus. T'es plus froid vis-à-vis des choses. T'es plus objectif, t'es détaché. Ta personnalité est plus impliquée. Quand ta personnalité est plus impliquée, là, t'es bien. Parce que là, tu t'intéresses à ton esprit. Tant que tu t'intéresses pas à ton esprit, tu t'intéresses à ta personnalité. Là, tu commences à être bien. Là, ça, c'est infini, ça n'arrête pas. Si tu en arrives à vivre tellement dehors de tes affaires que tu penses sortir de ton corps, là, tu fais d'autres choses, hein, in the meantime. Tu fais d'autres choses qui sont importantes, au niveau de ta production, au niveau de ta propre vie, au niveau de ta propre vie. conscience crédible, ça, c'est-à-dire justement qu'ils sont en train de faire. Mais le passage de cet état-là à cet état-là, le passage de l'état de la vie, ça fait, c'est pas tes affaires. C'est la diminution, c'est lié à la diminution des pensées suggestives. Il faut en arriver à réellement les saisir, ces pensées suggestives-là. Puis à ce moment-là, quand vous en arrivez à les saisir, vous leur dites, sentez-moi là en fait. Là, ils vont couper le courant, là, ils vont vous mettre dans un autre état. Non, moi, je me mets en fait. Moi, je suis assez fort, c'est le plus. Comment est-ce qu'il s'appelle? Thanos? Alexander. Alex sort de son corps. Mais il n'y a pas mémoire. Il ne se rappelle plus ce qui se passe. Si Alex était coupé de sa personnalité, là, il se rappellerait ce qui se passe. Là, il essaie de comprendre. S'il était coupé de sa personnalité, Alex, il pourrait sortir de son corps et se rappeler de ce qui se passe. Mais pour ça, il faut qu'il perde sa mémoire. Tu ne peux pas avoir deux mémoires. Tu ne peux pas avoir la mémoire du passé, la mémoire subjective, et la mémoire cosmique. Tu peux pas avoir les deux. Si tu en as un, tu as l'autre. Si tu as l'autre, tu s'en vas vers l'autre, tu parles. C'est pour ça que tu dis que quand tu donnes quelque chose, tu t'enlèves de l'autre. Tout le temps. Tout le temps. C'est naturel. C'est normal. Vous, si vous allez au magasin, vous achetez une paire de souliers, vous allez jeter l'autre. Sont vieux. Mais il y en a qui vont garder et qui veulent les garder. Il y en a qui mettent des bottines de bronze. Ils font ça en bronze. Ils veulent garder les petites bottines de petit égard. Ça, c'est cute. Mais c'est le principe. Il faut faire quelque chose. Ouais. Puis on n'a pas le choix, nous, du supplémentaire. Le détachement vient de ça. Notre vie, ce n'est pas nos affaires. C'est Dieu, vous. Parce qu'on a voulu faire de notre vie quelque chose. On veut faire de notre vie quelque chose. On veut faire un succès de notre vie. Ouais. On veut marier une belle fille. Ouais, bien là, en fait. C'est pas ça que ça ne marche pas. Oui, mais c'est parce qu'on comprend mal. Quand ils nous disent tu récoltes ce que tu sèmes, ça veut dire faire la part grue que tu si tu veux récolter quelque chose, comme du monde. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que nous autres, on interprète. Mais occultement, tu récoltes ce que tu sèmes, c'est d'autres choses. Ça veut dire que si tu mets un semis, tu vas bien récolter. Si tu as mal de semis, tu vas mal récolter. Fait que c'est deux niveaux différents d'interprétation. Mais on interprète toujours. Ça fait partie de notre expérience. Pas le choix. Ça fait partie de notre expérience. Plus tu es évolué, plus tu sèmes. Plus tu es évolué, plus tu sèmes comme du monde. Plus tu récoltes comme du monde. Ça fait partie de l'évolution. Non. Quand c'est rendu que c'est plus tes affaires, que tu comprends ça, que tu vis une vie que t'es plus tes affaires, c'est parce que t'as déjà bien semé. Ouais. T'as déjà bien semé. Ça fait longtemps que t'es obstiné. Quand t'es rendu à comprendre que c'est pas tes affaires, tu commences à comprendre quelque chose. Là, à ce moment-là, tu peux plus être semé. T'es savant. À un moment donné, c'est tout est tout pour l'ego quand l'ego change de niveau de conscience. Ça, c'est normal. L'ego ne peut pas arriver à conscience et pas être troublé. C'est normal, c'est naturel, c'est inévitable. Il faut que ce soit individu. Pourquoi? Il faut que ce soit individu. Vous y allez les yeux fermés dans le sens que vous y allez par vibration. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux ouverts puisque vos yeux ne voyaient rien, oui. Si, je ne sais pas ce que ça va me donner. Tu n'as pas besoin de savoir? Non, je ne sais pas. Pas de tes affaires. Je ne vais pas aller. C'est là que je te dis, tu y vas, mais c'est là que tu vas. Il n'y a personne qui te pousse dans le dos. Oui. Qui? Qui c'est qui te pousse dans le dos? Oui. L'énergie, c'est ça que je te dis, tu y vas, mais c'est là que tu vas. L'énergie, elle fait partie de toi. Ça, c'est ça, vous voyez, c'est ça qui me choque. Hein? De rien voir, c'est ça qui me choque. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais si vous verriez trop, ben, vous capoteriez. Vous ne savez pas voir. Si vous verriez trop, vous ne pourriez pas venir. Vous capoteriez. C'est tout simple que ça. C'est pas qu'il y a une affaire de voir, c'est d'être préparé à voir. Nous autres, on est en train d'être préparé à voir. Il y a une préparation à voir. Sans ça, si tu veux quelque chose que tu comprends pas, comment est-ce que tu veux? Tu vas tout mal comprendre, tu vas tout mal interpréter ce que tu veux. Tu peux pas vivre, tu peux pas fonctionner. Comme lui, là. C'est un type qui essaye de saisir quelque chose. Il essaye de saisir quelque chose. Je t'ai dit, c'est saisir quelque chose. Il faut qu'il en arrive à ne pas essayer de saisir rien. Il est rendu à ce stade. Il faut qu'il en arrive à ne pas essayer de saisir rien. Parce que tu mets tellement d'efforts réels, d'efforts intérieurs, spirituels, à vouloir être saisi, que là, tu te bloques. Je te dis en soi, parce que en soi, ils m'ont dit ça un jour, enfant, que faut pas que tu essaies de saisir. Laisse couler. Je te donne une clé, c'est important. Ça va tout dénouer le reste. Parce qu'en dedans, intérieurement, tu deviens réellement lousse. Mais lousse. Parce que t'es trop tight intérieurement. T'es trop sérieux. T'es juste sur le bord. T'es juste sur le bord. C'est ça. Puis quand tu vas être réellement incurieux de le faire, c'est là que tu touches. Ouais. Parce que faut pas que notre ego soit impliqué dans ce fond. Faut pas que notre ego spirituel soit impliqué dans ce fond. Faut pas que nos valeurs spirituelles soient impliquées dans ce fond. Faut pas ce qu'on pense soit impliqué dans ce fond. T'es rendu à ce point-là. Tu commences à me prendre le cul. Il y a un travail qui devait être fait. Il était fait, le travail. T'es curé. Tu deviens curant dedans, là. Ça, c'est le travail. Voilà ça. J'étais tellement comme ça. Ah, bien sûr. Est-ce que tu sais pour moi de profiter? C'est dans la direction. Ouais. C'est en moi qui le faisait. Ouais. Là, pareil. Je fasse la quoi? Pareil, c'est ça. Tout ça, cette énergie-là, c'est accumulé. C'est là, cette affaire-là. Fait que tu viens encore dans ta mémoire. Tu sais, je parlais de mémoire. Hein. Très mauvaise mémoire. Autant la vie est mémoire d'être présente, la mémoire d'être fausse. La mémoire d'être présente encore plus fraîche. Il y a des gens qui souffrent au-dessus des conditions de mémoire qui sont liées à des 3 ou 4 millions dans le passé. Comment c'est un peu? C'est long. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de rien. On a tout. Tout est là, nous autres. Mais c'est parce qu'on ne sait pas comment aller chercher. On va chercher des pinces, des cuillères, des fourchettes. Puis il faut pas faut rien. Il faut pas d'outils. Il faut pas aller chercher rien avec des outils. Fait que ceux qui ont des fourchettes et des pinces, des cubes, mettez-les de côté. C'est là que ça va venir. Si vous allez chercher quelque chose, vous ne pourrez pas l'avoir. C'est bien trop nuancé. C'est vibratoire. C'est pas psychologique. C'est subtil d'aller chercher quelque chose avec quelque chose. Comme lui, il me dit une fois, pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu ne me tutoies pas? Il voulait que je le tutoie. C'est son ego qui veut que je le tutoie. Je ne suis pas capable. C'est vibratoire. Faut que je change mes vibrations pour que je le tutoie. Puis penses-tu qu'il va changer mes vibrations pour que je le tutoie tant qu'il va voir que je le tutoie? Ah non, non. Hein? Ça te montre jusqu'à quel point c'est nuancé. C'est vibratoire. Tu sais que ça me fait, moi, de le tutoyer ou voyer ou pas non. Autre chose. Non. Ben, c'est l'ego. Parce qu'il dit que ça forme une fausse amitié. Pensez-vous parce que je tutoie quelqu'un ou je te vois, ça change une personne. Ça, c'est des principes qu'on nous a inculqués au niveau de tutoyer ou de vous voir quelqu'un. Quand on s'en fait, on se fait des montagnes. Ça. Plus ou moins. Comme tu dis. Ça. C'est vibratoire. On fonctionne pas vibratoirement, on fonctionne psychologiquement à l'intérieur de certaines valeurs. C'est subtil dans le sens que c'est difficile à faire la nuance entre quelque chose qui est vibratoire et quelque chose qui est psychologique. OK, on va en parler de ça. La nuance, la différence entre ce qui est vibratoire et ce qui est psychologique, on le sait seulement quand on a la vibration. Tu peux pas savoir ce qui est vibratoire tant que tu n'as pas dépassé ce qui est psychologique. Pour savoir ce qui est vibratoire, il faut que tu dépasses le niveau psychologique de la chose. Exemple. Si je dis les gens ne sont pas des créatures du bon Dieu. Je détruis la forme psychologique pour amener les gens à la vibration. La forme psychologique qu'on a intégrée par le bon Dieu, c'est une béquille. Ça nous retarde à comprendre énormément de choses. Parce que c'est rien que vibratoirement qu'on peut comprendre des choses. C'est pas psychologiquement. Ça, ça fait partie de la forme. Alors, tout ce qui est psychologique engendre de la forme et fait partie de la forme. Puis moi, je suis obligé de la détruire, ça. Pour vous faire passer du plan psychologique au plan vibratoire. D'ailleurs, mon instruction se rapporte tout à ça. C'est toujours de vous faire passer du plan psychologique au plan vibratoire. Parce qu'une fois que vous êtes sur le plan vibratoire, vous êtes sur le plan universel. Fait que vous n'avez plus besoin de personne. Vous n'avez plus besoin d'aucune forme. Vous pouvez en créer des nouvelles formes. Parce que vous devenez créateur automatique. Mais vous n'avez plus besoin de forme. Fait que vous n'êtes plus influençable de l'extérieur. Mais tant que vous êtes sur le plan psychologique, sur le plan de la forme, vous êtes influençable à un niveau quelconque. Alors ça fait partie de votre mémoire. Alors, votre ego se réfère toujours à sa mémoire. Il faut que l'ego en arrive à plus se référer à sa mémoire. Fait que vous vous en détachez petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Éventuellement, quand vous êtes réellement détaché de votre mémoire, mais votre vie, c'est plus vos affaires. Puis quand votre vie, c'est plus de vos affaires, là, vous rentrez dans un autre état de conscience, dans un autre état d'esprit. Vous fonctionnez au niveau de l'esprit, au niveau de fonctionner au niveau de l'ego. Puis là, vous commencez à travailler mentalement avec votre propre énergie. Vous la mouillez, vous la mouillez, vous la mouillez, vous la mouillez. Là, vous propulsez vous-même vers votre avenir, éventuellement. Votre énergie est tellement débloquée que vous la connaissez, votre avenir, vous commencez à connaître l'avenir des autres. Fait que là, votre vie devient très expansive. Mais vous n'avez plus de mémoire. Puis vous n'êtes plus intéressé à votre vie matérielle. parce que l'intérêt à votre vie matérielle, c'est un intérêt qui est lié à votre mémoire. C'est une activité astrale de l'ego. Avec le temps, les activités astrales de l'ego sont changées en énergie mentale. Rendu au niveau de l'énergie mentale, vous êtes plus intéressé à votre vie matérielle. Vous voulez vivre votre vie matérielle parce qu'elle est là. Vous voulez ajuster pour qu'elle soit plaisante, mais vous n'êtes pas intéressé. De sorte que si un jour vous avez changé de plan ou changé de plan, vous ne perdez rien. Mais là, vous êtes capable de changer de plan parce que vous ne perdez rien. Mais tant que vous avez l'impression de perdre quelque chose, vous ne pouvez pas changer de plan. Vous allez souffrir bien trop. C'est ça que les gens vivent à l'expérience de la mort. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas mourir? Parce qu'ils sont attachés astralement à leur vie matérielle. Ils fonctionnent au niveau de l'ego. Tandis qu'un gars pour qui la vie, c'est plus de ses affaires. Quand vient le temps de changer de plan, parce que tu ne meurs pas rendu à ce niveau-là, mais quand il est le temps de changer de plan, il est bien. Là, il rentre dans une autre dimension où il continue la vie, mais une autre vie. Et regarde, je vous dis, vous autres, une autre vie, là, il se passe quelque chose dans votre tête.